Y a-t-il écrit dans le livre de ma vie un petit paragraphe sculpté de lettres d'or qui puisse m'affirmer la fin de mes tourments avant que le mot 1 ne clôture le sujet? Si c'était le cas, d'abord trip youpi, youpi, youpi, youpi. Je serais curieux de savoir quand ou comment serait-ce un jour à part ou bien très ordinaire. Serais-je dans ma douche ou bien sur mes water, peut-être dans le bus, en métro ou en vélo. Peut-être même d'ailleurs, je serais en train, je serais en train, en train, en train de faire dodo. Mais quand ça arrive, il n'y a rien à dire. Il faut simplement continuer à écouter. Car quand ça arrive, ça ne prévient pas. Il faut simplement être prêt à te quitter. Regarder sans cesse, c'est bien écouter. Et surtout se taire, il n'y a pas de mystère. Y a-t-il un jour prévu dans mon destin, bien avant ma mort, sans grand festin, un jour comme un autre et ne plus rien de moins. Un jour je serai simplement à point, je pense que j'aurai même oublié pourquoi je me pose autant de questions sur le moi. Moi, moi, moi, moi. Y a-t-il un jour prévu dans mon destin, bien avant ma mort et son grand festin, un jour comme un autre, rien de plus, rien de moins. Un jour je serai complètement à point, je pense que j'aurai même oublié pourquoi je me pose autant de questions sur le moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi,